jusqu'où les éclairs déchirent le ciel, la mer, jusqu'où la terre, à bout de souffle, nous tiendra debout avant qu'on s'essouffle. Jusqu'où les flammes brûleront les forêts avant qu'on s'enflamme. Jusqu'où on achète des bouts de monde qu'on détruit sans que personne ne gronde. Et devant l'univers immense, est-ce que ces choses ont de l'importance? Entends nos petits cœurs qui battent sans ces baisers qu'on attrape, marque-moi de l'empreinte de tes bras quand tu me serres fort comme ça. Donne-moi cet amour inachevé, on dégringole comme des fous alliés. Au loin hurlent les sirènes, blême, qu'important qu'on reste nous-mêmes. Cataclysme, séisme, on s'aime. Jusqu'où on fuira, combien de temps on échappera à ces systèmes qu'on nous impose, qui nous font croire à la vie en rose. Et devant l'univers immense, est-ce que ces choses ont de l'importance? Entends nos petits cœurs qui battent sans ces baisers qu'on attrape, marque-moi de l'empreinte de tes bras quand tu me serres fort comme ça. Donne-moi cet amour inachevé, on dégringole comme des fous alliés. Au loin hurlent les sirènes, blême, qu'important qu'on reste nous-mêmes. Cataclysme, séisme, on s'aime.